Du service financier Jacqueline Doucet, notre mission est de vous aider à atteindre l'indépendance financière. Grâce à des stratégies personnalisées, nous sommes en mesure d'optimiser votre situation financière en vous proposant une planification complète en placement et en assurance. Pour rencontrer une équipe dynamique et professionnelle, composez le 418-276-6170. Toute l'équipe de service financier Jacqueline Doucet est fière d'acheter localement pour protéger nos emplois et notre économie. On va parler du Marcos Pub de Saint-Félicien avec Jason de Jeunesse. Salut Jason. Salut Danny. Jason, ça a été un gros match, une belle victoire de 8-0. Cette fois, c'est incroyable. Comment ça s'est soldé? Ouais, disons que l'autre équipe nous a ouvert la porte là, en partant le match. Là, on se dit que c'était à l'étranger, justement, notre match au Palais des Loisirs. C'était le premier match de la saison. Pour eux autres, ben pas le premier match de leur saison, là, mais c'était leur match d'ouverture là, pour les Orioles là-bas. Fait qu'ils ont fait le match d'ouverture, puis ils ont commencé là à... Ils ont commencé la partie là en essayant de nous intimider, de nous sauter dans la face. Fait que l'arbitre là, il a mis un whoop là-dessus. Puis il y a eu cinq ou six joueurs d'expulsés, plus un entraîneur. Tout ça, c'est passé quasiment juste en première période. Là, fait que ils nous ont ouvert la porte grande. On a eu un power play de 5 contre 3, je pense, de 3 ou 4 minutes là, en 5 contre 3. Fait qu'on à partir de là, on a scoré 3 buts. Donc ça change, ça nous a donné le momentum. Je pense qu'on l'a pas perdu là, jusqu'à la fin du match. OK. Donc parle-moi à 8 buts, c'est-tu c'est incroyable, là? Ben, on va là où que ça fait mal. Hein, on drive la net, on a beaucoup de buts là sur des retours de lancer, donc on va là où ça fait mal, hein. Alors, OK, c'est là que si tu veux scorer des buts, c'est là faut que tu ailles. Donc c'est en avant du net, puis c'est nos joueurs, on peut pas dire que présentement ils vont pas. Dans les deux derniers matchs, là, 16 buts, dans les deux premiers matchs de la saison. Es-tu un peu surpris du début de saison quand tu regardes ça? Ben oui, surtout que tu sais, dans la pré-saison, on avait une victoire, 3 défaites. On avait scoré, je pense, ça, 7 ou 8 buts là, dans 4 matchs sur concours. Donc, c'est sûr que oui, un petit peu surpris. Je m'attendais peut-être à avoir plus d'opposition là, lors de nos deux premiers matchs. J'ai vu qu'on avait perdu une fois contre Dolbeau, on avait gagné, on avait perdu. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste à la glace. Notre équipe, c'est sûr qu'il manquait des joueurs dans nos matchs sur concours. Là, quand on arrive là, avec l'équipe complète, là, on voit qu'on a une belle force de frappe là, à l'attaque. En fin de semaine, ça dit quoi en fin de semaine? En fin de semaine, là, on pogne Jonquière vendredi soir à Saint-Félicien. Okay. Jonquière devrait avoir une des très très bonnes équipes là, dans la Ligue. Là, tu parles des Marquis, là. Nous. Ouais, des Marquis, oui. Et samedi soir, on rend visite là, au Saguenay-Chicoutimi à Chicoutimi. OK. Là, la chasse est très populaire ici. J'imagine qu'il va y avoir plus de matchs. Vous faites à l'étranger au début, puis après ça, la chasse, je pense, la dernière semaine. C'est ça? Non. Là, c'est parce que nous autres, on avait fait la demande là, de ne pas jouer trop souvent en début de saison. Puis là, c'est sûr qu'avec le chambardement de la Ligue aussi, ça ne doit pas aider aussi là, pour tout ça. Là. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose, selon moi. C'est pas... Oui, il y a eu des petits accros, là, mais encore là, ça peut rien de grave. Tout le monde avait leurs horaires pareils jusqu'au 20 octobre. Là, vient de ressortir. Ça fait une semaine là, qu'elle est ressortie là, jusqu'aux fêtes. Donc, ça avance quand même bien. Okay. Ben, Jason, on s'en parle mardi ou mercredi prochain. Parfait, merci. L'instructeur-chef du Marcos Pop de Saint-Félicien, Jason, de